Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, une édition spéciale le 25 décembre, donc je pense que de mémoire, en deux décennies, c'est la première fois qu'on présente une émission le jour de Noël. On va profiter de l'occasion pour proposer un survol très bref de l'année 2021 en termes de production prog. Et évidemment, il y aura beaucoup de disques absents parce qu'en en fait, en 4 heures, parce que là, j'étais pour dire 2 heures, mais on va répéter l'exercice le 1er janvier. Et puis, ben, on espère que ça va vous plaire d'avoir ce survol, même s'il est assez succinct, mais c'est mieux que rien, comme dirait l'autre. Et puis, ben, j'en profite. Écoute, Marc, joyeux Noël à toi. Et puis, joyeux Noël aussi aux auditeurs. Oui, joyeux Noël, Michel. Alors, dans cette rétrospective, le premier album, Michel, que tu nous proposes, c'est The Watch, leur nouvel album, The Art of Bleeding. C'est le 8e album pour cette formation italienne. On aura la pièce Abendlicht, qu'on n'a jamais fait jouer encore à l'émission. On a également The Glasshammer, de leur nouvel album, leur 20e en carrière, Scalagrim Into the Breach, qui a eu d'excellentes critiques et qui en a encore beaucoup. La pièce Into the Breach, et on aura également un extrait du premier album de Alessandro Corbaglia, chanteur de la Maschera di Cera, entre autres, son album Out of the Gate et la pièce Out of the Gate. On y va tout de suite en musique avec The Watch. Close, faster now.

Découvrez le coup de cœur des chroniqueurs de Québec Lézard et des animateurs de CKRL 89.1. Maxence Croteau de l'émission Capestrade nous livre son choix. Benoît et Colin. Et vous, quel est votre coup de cœur parmi les albums de 2021? Quant à moi, l'album de l'année, c'est sans contredit Benoît et Colin. Benoît et Colin, c'est deux musiciens, Benoît Fortier à la flûte à bec et Colin Savoie-Levac à la guitare et au banjo. Deux complets virtuoses de la musique. Benoît joue dans Les Chauffeurs à pied, Colin joue dans Rosier et dans Les Poules à Colin. C'est un album où on sent qu'ils s'amusent beaucoup. Ils prennent des pièces, des fois, qu'on a tellement entendues qu'on se dit, voyons, pourquoi est-ce qu'ils reprennent, par exemple, la galope de la Malbaie ou qu'ils reprennent des fraises des framboises. Mais il y a même quelque chose de vraiment nouveau sur ces pièces-là. On les entend aussi sur le Rossignol. Ça, c'est très impressionnant. Pièce très technique de Jean Carignan, complet virtuose du violon. Mais là, c'est joué à la flûte à bec, donc un défi supplémentaire. C'est vraiment un album à écouter, Benoît et Colin. Ça vient de Québec, c'est disponible sur Bandcamp et je suis très content de. Je viens juste de recevoir le vinyle. CKRL vous souhaite de très joyeuses fêtes. CKRL. J'ai ouvert les bras et tu n'étais plus là. Communication. Je serrais très fort mon oreiller. Il y a longtemps déjà que j'aurais dû t'oublier. T'oublier. Culture. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à Terra Incognita, émission spéciale, on fait un survol de 2021 et on va continuer avec une excellente formation norvégienne que je sais que tu apprécies beaucoup toi aussi, Marc, Giorgio, et puis c'est l'album Pastoralia, un excellent album dans bonne tradition là, de ce que les Scandinaves nous proposaient dans les années 90. On aura aussi Inner Prospect, Canvas 2, c'est le projet du claviériste Alessandro Di Benedetti, qui est aussi membre de Mad Crayon et aussi un grand collaborateur au sein de Samurai of Prague. Et pour conclure ce bloc, Marc, qu'est-ce que tu nous réserves? Oui, c'est la formation Sylvan de l'Allemagne et qui présentait cette année leur 10e album en carrière, 1-2-0. On ira avec la pièce Not a Goodbye. Mais on débute avec Giorgio, comme tu disais, un groupe que j'apprécie particulièrement. Thank you. Franke Sandskulpen och har begravt och börjat med en sönkron av fraktal. En tajning ingraverad med fin pennsmitt på en ryd överflaten av dimmatningspapir. Häftiga steinröskuggor med svårblånda gisper upp mot himlen. Det är kväll och avlange och lite bedrövda striper har lagt sig på rygg över sjön och sandbanken. Thank you.

melt like the sand when comes the wave. The water rises, the lands will float. Let's welcome a whole new day. Don't look behind, don't fall apart. Let's come with. Once born to wing hope,

in contradictory consciousness. Finally, my roots have retrieved me. Do not regret. I won't fall from there. Come in, come back, try. Découvrez le coup de cœur des chroniqueurs de Québec Les Arts et des animateurs de CKRL 89.1. Raymond Poirier de l'émission La vie en BD lève le voile sur la BD « C'est le Québec qui est né dans mon pays » d'Emmanuel Dufour, paru aux éditions Éco-Société. Il y a beaucoup d'auteurs qui se sont lancés pour une première fois en 2021, mais de ceux-là, je retiens particulièrement Emmanuel Dufour et son livre « C'est le Québec qui est né dans mon pays » du côté des éditions Éco-Société. C'est un ouvrage dans lequel Emmanuel Dufour nous amène dans une démarche toute personnelle, dans une démarche de réconciliation qu'elle entreprend face au peuple des Premières Nations. Donc, dans le contexte de travaux, d'études doctorales, dans le contexte d'une démarche personnelle en tant qu'ethnologue, mais aussi en tant qu'humaine, en tant que Québécoise, elle va aller à la rencontre d'une cinquantaine de gens qui offrent chacun une perspective, un regard, une compréhension de l'identité des Premières Nations, de la relation qu'on entretient comme Québécois avec eux, et qui va amener des questions, qui va mettre la table à des réflexions, et qui va, au bout du compte, ouvrir, pour nous Québécois, la porte à un dialogue constructif et riche de réconciliation avec les peuples des Premières Nations. Manger, ça fait du bien. On avait presque 30 ans. On a décidé de délire domicile sur Saint-Vallier-Ouest. Petit comptoir de charcuterie. On a ouvert un bouchon d'inspiration lyonnaise de pied bleu. Par la suite, le renard et la chouette. Une buvette de quartier. Puis maintenant, dans les meilleurs marchés de la ville de Québec, au nom du roi du boudin. Aujourd'hui, nous tenons à remercier anciens et présents employés. Nous levons notre boudin à vous, chers clients. Merci beaucoup. Hey Marine, le pied bleu, il a quel âge? Ben c'est facile, il a mon âge, il a 10 ans. La propagation du virus de la COVID-19 et de ses variants est critique. Pour la santé de tous, il faut limiter au maximum les contacts et continuer d'appliquer les mesures sanitaires comme se laver les mains, garder ses distances et porter le masque. Et en cas de symptômes, il faut passer un test de dépistage et s'isoler à la maison. Cet effort est essentiel. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita, c'est une émission spéciale rétrospective des meilleurs albums de 2021, quelques-uns en fait de nos coups de cœur. Pour le prochain bloc musical, on aura la formation de Samurai of Prague, qui est un de mes albums préférés de cette année, The Whitesnake and Other Grim Tales 2. On aura la pièce de Tricky Fiddler. On sait que c'est le 10e album pour cette formation multinationale, plus les 3 albums sous le nom de Bernard et Porsti. Alors, la formation qui a débuté en 2011, qui ne faisait à ce moment-là que des reprises, et maintenant, il y a beaucoup de compositions originales et de plus en plus de collaborations. C'est vraiment une formation qui est une des meilleures du rock progressif contemporain, au niveau de la qualité des albums et également de la productivité de ces artistes. Il y aura également un autre album coup de cœur pour moi cette année, la formation canadienne Monarch Trail et l'excellent album Wither Down qui est paru cet automne. C'est leur 3e album en carrière et on aura la pièce titre de cet album. Et par la suite, Michel, je pense qu'on est pas mal sur la même longueur d'onde pour ce prochain album. Oui, tu parles de Di Ricordi un Museo de Stefano Lupo Galifi, le chanteur de Muso Rosenbach. Un excellent album, c'est un coup de cœur pour nous deux, effectivement. Un album réalisé et monté par Luca Scherani, un des grands complices de Fabio Suventi. Et puis, on aura aussi un groupe qui, après 40 quelques années d'absence, est revenu avec un excellent album, Asia Minor, Point of Liberation. Bref, un beau bloc musical. Et on y va avec The Samurai of Prague. Thank you. parti a perdere. Due nuovi profili nascono e allontanano le sere, vecchio e stantio il pensiero. L'uomo corre distante su di una spiaggia d'oro, fluente corrente il ventre, duro delineato e puro. La morale cede, la linea vita segna, un filo cremisi si profila, delinea dolore. Profila sul mio tempo appeso. Già lenta, piedi pesanti su anima persa, corretta eterna sorretta da luci indotte scorrette, arrogante è la metà, metà di entrambe le parti, corrente al desiderio, istanti per nascita chimica. Effetti, istinti e difetti, gioca la lingua, immobili gli occhi, perse le mani. La morale cede, la linea vita segna, un filo cremisi si profila, delinea dolore appeso. La morale cede, cremisi si profila sul mio tempo appeso. La morale cede, la linea fitta segna, un filo cremisi si profila, linea dolore appeso. La morale cede, termina il sentiero, un filo cremisi si profila sul mio tempo appeso.